Le 23 août, le porte-parole du Comité pour la réunification pacifique de la patrie a publié un entretien qui dit « Au mois d'août de l'année passée, la péninsule coréenne a connu une situation extrêmement dangereuse. C'était sans précédent depuis le cessez-le-feu, bien qu'il y ait eu nombre de conflits militaires et des crises de guerre. À l'époque, les autorités militaires sud-coréennes avaient repris les missions psychologiques contre nous et lancé d'innombrables tracts et sont restées là, elles ont tiré des dizaines d'obus en direction de notre territoire, en prétextant l'éclatement d'une mine dans la zone démilitarisée à l'ouest du front, incident dont la vérité n'a pas encore été éclaircie. Cette provocation sans précédent avait tendu extrêmement la situation. Le monde entier a observé avec inquiétude la situation alarmante dans la péninsule coréenne. C'est le respecté camarade Kim Jong-un qui a pris à ce moment-là une décision importante que personne n'avait imaginée pour notre patrie et notre nation pour ainsi opérer un tournant décisif. Grand homme sans égal, convaincu de sa noble mission de sauvegarder la patrie et la nation, il a pris toutes les mesures pour faire échouer la témérité militaire des fanats de guerre américains et sud-coréens et dans l'état où tout était prêt pour exterminer les ennemis, il a pris l'initiative du contact d'urgence de haut rang sans précédent dans l'histoire des dialogues Nord-Sud pour ainsi ouvrir la voie à la grande victoire sans combat ni effusion de sang. Il va sans dire qu'un changement fondamental aurait été marqué dans la situation de la péninsule coréenne si l'accord conclu par le Nord et le Sud il y a un an avait été appliqué en considérant comme principe sine qua non. En rejetant sur nous toute la responsabilité de l'aggravation des rapports intercoréens et de la situation catastrophique dans la péninsule coréenne, la bande de Bakounet parle à tout bout de champ avec méchanceté de la menace nucléaire et de la provocation du Nord. Notre mesure de renforcement de la puissance autodéfensive vise à défendre la dignité et les intérêts du pays et de la nation contre les forces d'agression et à ouvrir en toute indépendance une nouvelle époque de la réunification et de la prospérité. La Corée du Sud n'a aucune raison de se sentir menacée, de s'inquiéter, ni de craindre quoi que ce soit. Si la bande des fantoches oublie la leçon de l'incident du mois d'août de l'année passée et lance une nouvelle provocation de façon insensée, nous profiterons de cette occasion de grande valeur pour exterminer la bande des traîtres et balayer le foyer de l'impérialisme américain meneur de l'agression par la guerre de réunification de la patrie. La victoire, c'est la tradition glorieuse de nous attachés à la justice et à l'indépendance, tandis que la défaite, c'est la fatalité inévitable des traîtres pro-américains qui vendent leur nation aux forces extérieures et qui nuisent à leurs compatriotes.